Section 2 des poètes maudits. Grotesque de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org. Grotesque. Leurs jambes pour toute monture, pour tout bien, l'or de leurs regards. Par le chemin des aventures, ils vont, haillonneux et hagards. Le sage, indigné, les harangue. Le sot plaint ses fous hasardeux. Les enfants leur tirent la langue et les filles se moquent d'eux. C'est qu'odieux et ridicules et maléfiques en effet, ils ont l'air, sur les crépuscules, d'un mauvais rêve que l'on fait. C'est que, sur leurs aigres guitares, crispant la main des libertés, ils nasillent des chants bizarres, nostalgiques et révoltés. C'est enfin que dans leurs prunelles, rient et pleurent, fastidieux, l'amour des choses éternelles, des vieux morts et des anciens dieux. Donc, allez, vagabonds sans trêve, errez, funestes et maudits, le long des gouffres et des grèves, sous l'œil fermé des paradis. La nature à l'homme salit, pour châtier comme il le faut, l'orgueilleuse mélancolie qui vous fait marcher le front haut. Et, vengeant sur vous le blasphème des vastes espoirs véhéments, meurtrit votre front anathème au choc rude des éléments. Les juins brûlent, et les décembres gèlent votre chair jusqu'aux os, et la fièvre envahit vos membres qui se déchirent aux roseaux. Tout vous repousse et tout vous navre, et, quand la mort viendra pour vous, maigre et froide, votre cadavre sera dédaigné par les loups. Fin du poème. Ce poème est dans le domaine public.